Chapitre 9e. Les scrupules de Maître Maxou. Nos lecteurs ont dû remarquer que pendant que Martineau, Salavert et le docteur Cavarox s'associaient avec ardeur au projet de Flavia, Maître Maxou, plus réservé et plus scrupuleux, semblait s'être borné à être simple spectateur des agissements de ses amis. Il comprenait et il approuvait jusqu'à un certain point les ressentiments de l'ex-institutrice. Lorsqu'il dit qu'elle voulait envelopper les deux filles et le fils de la duchesse dans le désastre de leur mère, sa loyauté s'en était émue. Octave de Valambreuse, à vrai dire, lui inspirait un médiocre intérêt. D'ailleurs, ce rejeton abattardé d'une illustre race aurait dévoré sa fortune plus ou moins rapidement avec une seule estime quelconque. Enfin, après tout, il ne s'agissait là que d'une question d'argent. Il abandonna donc Octave, corps et bien, au sœur de Flavia, sans faire entendre la moindre protestation. Mais plus tard, quand il fut décidé le voyage dans la Haute-Savoie où résidait le baron de Lavernay, le père de l'ancien procureur de la République de Nevers, il pressentit qu'il se tramait quelque chose de sinistre, et ce fut l'un des motifs qui, on le sait, le déterminèrent à accompagner Flavia. L'autre motif, on l'a deviné sans doute. Maître Maxou n'avait pu demeurer indifférent à la beauté de son ancienne cliente, et l'aimait d'un amour d'autant plus violent que sa raison lui prescrivait de le combattre. Mais ses belles résolutions avaient fondu, comme neige au soleil, dans son contact presque journalier avec Flavia. Les hommes, même les plus forts, sont ainsi faits. Et le jeune avocat, en cette circonstance, avait suivi l'exemple de tous les amoureux passés et présents. Il acquit bientôt la quasi-certitude de ne pas s'être trompé sur les desseins qu'il prêtait à la fille adoptive de John Colfax, lorsqu'elle proposa au baron de lui acheter 200 000 francs un manoir délabré qui appartenait à Mademoiselle de Lavernay, sachant, de la façon la plus formelle par Salavert, qu'Athénaïs ne consentirait jamais à le vendre, quelque prix qu'on lui en offrit. Le but secret de Flavia était, selon toute probabilité, de surexciter les convoitises du gentilhomme ruiné à l'aide de cette somme considérable, de le pousser dans une voie criminelle, de se venger ainsi du fils par le père et en même temps de frapper au cœur la duchesse de Valombreuse en rendant impossible le mariage de sa fille Ève avec Maurice de Lavernay. Toutefois, Maître Maxou n'était encore qu'aux suppositions quand une circonstance fortuite lui ouvrit tout à fait les yeux. Il se promenait un jour avec Flavia dans le jardin du chalet lorsque parut le bonhomme Truaz, qui, en sa qualité de propriétaire et de voisin, rendait quelquefois visite à ses locataires. Il semblait tout préoccupé. La veille encore, le baron de Lavernay lui avait glissé quelques mots au sujet de la petite saignée qu'il voulait pratiquer à sa bourse, et il se demandait en ce moment ce qu'il devait faire. « Que vous est-il arrivé ?» lui dit Flavia. « Vous avez aujourd'hui une figure d'enterrement. »« Il y a bien de quoi, mademoiselle ?» répondit le marchand de bois. « Figurez-vous que j'ai fait la plus grande folie qui puisse entrer dans la cervelle d'un honnête homme. » « Laquelle ?» reprit Maxou. « J'ai prêté, monsieur l'avocat, 20 000 francs à un homme ruiné. »« Il faut alors en faire votre deuil, » répliqua Flavia en riant. « Ce n'est pas tout. Il me demande encore 8 000 francs. »« Refusez-les, » dit vivement l'ex-institutrice. « C'était bien ma première intention, mais ce diable d'homme a de si drôles de raisonnements. Il m'a promis le tiers d'une très grosse somme qu'il doit recevoir à la mort de sa sœur, et il m'a juré, ses grands dieux, qu'elle serait trépassée d'ici à l'hiver. Et en me disant cela, il avait un air si extraordinaire qu'il m'a donné la chair de poule. » Un éclair de joie brilla dans les yeux de Flavia. « Allons, papa Truaz, » dit Maître Maxou, qui avait surpris le regard étincelant de Flavia. « Ne jouons pas plus longtemps à cache-cache. Je connais votre débiteur, c'est le baron de Lavernay, en effet. » Le baron de Lavernay, qui assurait la vie de sa sœur à une compagnie anglaise. « C'est bien cela, n'est-ce pas ?» Le marchand de bois fit un soubresaut. « Comment savez-vous cela » répondit-il. « Ne prêtez à aucun prix de l'argent, baron !» reprit Flavia d'un ton bref. « Mais alors, mes 20 000 francs, plus les intérêts, sont flambés, mademoiselle. Préférez-vous donc, cher monsieur, en perdre 30 000 ? Jour de Dieu, non, mademoiselle. Et cependant, si sa sœur devait mourir bientôt... « Sa sœur, » interrompit Flavia, est capable de vivre jusqu'à 100 ans. Ce sont ceux qui semblent sur le point de mourir à toute minute, qui souvent ont la vie la plus dure. « Ce que vous dites est bien vrai, ma bonne demoiselle. Voilà 20 ans, à ma connaissance, que sa sœur Athénaïs se traîne, et elle va toujours. Décidément, je ne me laisserai pas enjôler par un tas de belles promesses. Je suivrai votre conseil, et je ne prêterai pas un rouge liard de plus à ce gueux de baron. » Truin se retira sur ces mots. Lorsqu'il fut parti, maître Maxou prit les mains de Flavia. « Ma chère enfant, suis-je assez votre ami pour vous parler à cœur ouvert ?»« Sans doute, » répondit-elle, surprise de ce début solennel. « Jusqu'à ce jour, » continua le jeune avocat, « je me suis abstenu de m'expliquer avec vous. Si je m'abstenais plus longtemps, je deviendrais coupable, car vous êtes entré dans une voie mauvaise et mon devoir est de vous éclairer. Dans quel but êtes-vous venu en ce pays ?» La réponse sera aussi franche que la question, repartit Flavia sans manifester le moindre embarras. « Eh bien, répondez-moi, je vous écoute, » répliqua maître Maxou d'un ton grave. « Vous souvenez-vous, » dit Flavia, après s'être recueilli pendant quelques instants, « vous souvenez-vous de ce jeune magistrat qui a pris une si large part à ma condamnation ?»« Oui, eh bien, vous connaissez son père, ce vieux gentilhomme qui n'a recherché dans la vie que les satisfactions grossières. » Depuis plusieurs années, il vit ici de la façon la plus misérable, sous la dépendance d'une sœur aussi avare qu'il a été prodigue, et qui lui fait payer amèrement le pain qu'elle lui donne. De révolte en révolte, le baron est arrivé à perdre tout sens moral. Ensuite, fit Maxou, après s'être ruiné dans des spéculations hasardeuses, M. de Lavernay en a tenté une dernière, celle que nous savons. Il a joué la dernière carte qui lui restait sur la vie de sa sœur. Par malheur, ses calculs se sont trouvés déçus. La santé chancelante de Mademoiselle de Lavernay s'est fortifiée et tout fait présumer qu'elle l'enterra. Si bien qu'il s'est pris lui-même dans ses propres filets. Ajoutez à cela qu'il en est depuis longtemps aux expédients pour payer ses polices d'assurance. Truas vient de nous en fournir la preuve. Donc, cet homme doit arriver fatalement au crime. Et c'est vous qui l'avez poussé, dit Maxou, impuissant à se contenir plus longtemps. Pourquoi, il y a un mois, lui avez-vous proposé 200 000 francs du vieux château de sa sœur qui n'en vaut pas 50 000? Pourquoi, tout à l'heure, avez-vous empêché ce marchand de bois millionnaire de lui prêter 8 000 francs? Est-ce que leur tripotage d'argent vous regarde? Mais non, vous ouvrez la main d'un côté et vous la fermez de l'autre. Dans quel but, si ce n'est pour surexciter ses mauvais instincts? Que voulez-vous? Répondit Flavia, en agissant ainsi je l'amène à me venger de son fils. « Mais son fils vous croyait coupable, » répliqua maître Maxou. « Il recherchait Ève de Vallombreuse en mariage, et il m'a sacrifié. » Un magistrat place son devoir au-dessus de tout le reste, et d'ailleurs, Maurice aurait épousé Ève sans avoir besoin de ce procès. « Eh bien, grâce à ce procès, il ne l'épousera pas, car jamais une demoiselle de Vallombreuse ne mettra sa main dans celle d'un homme dont le père se sera souillé d'un crime. « Ce crime, il faut l'empêcher, » fit vivement Maxou. « Et comment ?»« En prévenant, mademoiselle de Lavernay. Ce serait précipiter la crise, car le baron suspecté n'hésiterait plus, il marcherait au meurtre comme les bêtes fauves courent au carnage. Mais si on avertissait son fils, il vous répondrait que vous calomniez son père. Croyez-moi, mon ami, ne cherchez pas à entraver la justice de Dieu. Quoi qu'on fasse, elle finit toujours par atteindre les coupables. Mais le coupable, c'est vous !» s'écria le jeune avocat hors de lui. « La vengeance que vous poursuivez est odieuse, elle est exécrable, elle est infâme. N'ai-je pas le droit de frapper ceux qui m'ont frappé ?» dit Flavia en redressant la tête devant cette rude apostrophe. « Frappez Madame de Vallombreuse, frappez-la sans pitié, sans merci, si vous le voulez, mais votre droit s'arrête là et vous commettez une action monstrueuse en vous attaquant à des têtes innocentes. Mais si je ne puis atteindre la duchesse que dans ses enfants, j'attendais cette réponse, et je ne l'accepte pas. Non. Interrogez votre conscience, elle vous dira qu'Ève et Marcel ne sont pas, et ne doivent pas être responsables du crime de leur mère. Vous les avez aimées toutes les deux autrefois. Vous ne pouvez pas les haïr aujourd'hui. Allons, voyons, faites un retour sur vous-même, ne soyez pas implacable. Ce n'est pas moi qui romprai le mariage d'Ève, ce sera le baron de Lavernay, répondit froidement Flavia. « Mais Ève, dont vous brisez le bonheur, est aussi innocente que Marcel. Marcel, moi vivante, n'épousera jamais le vicomte de Kerlusset. Comment ? Votre vengeance veut s'étendre jusqu'au vicomte, à qui vous devez la vie ? Cela ne peut pas être. Vous ne serez pas ingrate à ce point. Quand M. de Kerlusset connaîtra le crime de la duchesse, repartit l'ex-institutrice. Si grand que soit son amour pour Marcel, il ne consentira jamais à la nommer sa femme. Mais personne ne lui dénoncera son crime. Qu'en savez-vous ? L'émotion sans cesse croissante de Flavia, depuis qu'avait été prononcé le nom du vicomte, le feu sombre qui s'échappait de ses yeux, tout, jusqu'à l'accent de sa voix et au frémissement de ses lèvres, fut pour Maxou une révélation soudaine. Un moment, il demeura silencieux et comme perdu dans ses pensées. « Voulez-vous, dit-il ensuite d'une voix calme et en faisant rasseoir Flavia qui s'était levée, « voulez-vous que je vous fasse part de l'idée qui me vient ? J'écoute. « Vous me promettez de ne pas me démentir, si j'ai deviné la vérité. Je vous le promets. Eh bien, vous voulez rompre le mariage de Marcel parce que vous aimez le vicomte Kerlusset, et vous l'aimez à ce point que pour être aimé de lui, vous feriez grâce à la duchesse, grâce à Ève, et que vous arracheriez Octave de Valombreuse au sein de cette infâme créature qu'on appelle Célestine Marbot. « C'est vrai, répondit Flavia, j'aime M. de Kerlusset, et pour devenir sa femme, je renoncerai à ma vengeance, mais ce bonheur m'est interdit, et je fermerai la porte au bonheur des autres. « Si c'est votre dernier mot, reprit le jeune avocat, adieu, nous ne nous reverrons plus. « Passez dans le camp de mes ennemis, je ne vous retiendrai pas, dit la jeune fille. « Je me mets du côté de la justice et de la raison, qui défendent que les innocents payent pour les coupables, mais je suis trop loyal pour vous trahir. » Reprit Maxou avec dignité, « les confidences que vous venez de me faire, je les oublierai en sortant d'ici. Mais, ajouta-t-il, si le hasard ou la providence m'offrent les moyens de prévenir les malheurs que vous préparez, je me placerai entre eux et vos victimes. » À son tour, il s'était levé. Flavia le retint doucement par la main. « Si vous avez lu dans mon cœur, lui dit-elle, moi j'ai lu dans le vôtre. » Maxou tressaillit et pâlit. « Ces grands mots de justice et de pardon que vous avez fait sonner si haut, je sais pourquoi vous les avez prononcés. » Continua l'ancienne institutrice. « Vous voulez m'empêcher de rompre le mariage de Marcel parce que vous m'aimez. » L'avocat fit un geste de dénégation. « Ne niez pas, poursuivit-elle. Votre amour, je l'ai vu naître pendant les jours sombres où vous accouriez dans mon cachot. Depuis, il n'a fait que grandir et je le suis pas à pas. Si, jusqu'à ce moment, l'aveu s'est arrêté sur vos lèvres, c'est parce que votre fierté vous empêchait de parler. Si j'eusse été pauvre, vous m'auriez tendu la main. J'étais riche et vous avez gardé le silence. « C'est vrai, » répondit le jeune avocat, incapable de dominer plus longtemps son émotion. « Avec quel bonheur, mon ami, je serais devenu votre femme, » dit Flavia, dont la voix prit des accents de tendresse, « car je sais tout ce que vous valez. Mais mon cœur était rempli de la pensée d'un autre, et l'on ne peut pas aimer de deux côtés à la fois. « Ah, pourquoi nous sommes-nous rencontrés ?» répondit Maxou, ou plutôt, pourquoi, lorsque je vous ai vu, vous, innocente, traîner devant un tribunal, suis-je passé peu à peu de la compassion à un sentiment plus tendre ? Car, et vous venez de le dire, c'est votre malheur qui m'a fait vous aimer. Pendant que je vous défendais devant cette cour d'assises, si ma voix a eu des accents éloquents, c'était parce qu'en même temps que vous, je défendais mon amour. Lorsque vous avez été condamné, il m'a semblé que j'étais condamné moi-même, et j'ai pris mon cœur à deux mains comme pour en arracher votre chère image. Je croyais vous avoir bien oublié, mais la flamme couvait sous la cendre mal éteinte, et plus tard, lorsque vous êtes revenu à Paris, mon amour qui sommeillait lentement s'est tout à coup réveillé, et jamais je ne vous l'aurais révélé si vous ne m'en aviez parlé tout à l'heure. Ah oui, je vous ai bien aimé, Flavia, et je vous aimerai toujours. Voilà. « Voilà pourquoi je vous voulais aussi grande par le cœur que vous êtes parfaite par la beauté du visage. Oui, j'aurais voulu que vous laissiez le soin de votre vengeance au remords de cette femme. J'aurais voulu encore. Mais à quoi bon le dire ? Je me suis trompé doublement, et c'est l'âme deux fois brisée que je vous fais mes adieux. » L'émotion de Maxou était trop violente. Il détourna brusquement la tête et quitta le berceau. Une heure plus tard, il prenait congé de Sir John Colfax, de Flavia, de Cavarox et du baron, qui, selon son habitude, se trouvait au chalet. « Il règne aujourd'hui une véritable épidémie de départ, » dit M. de Lavernel lorsque l'avocat fut parti. « Comment cela ? » fit Sir John Colfax. « Sans doute. Mon fils, qui est arrivé ici avant-hier, vient de s'en retourner à Paris. »« À Paris ?» reprit vivement Flavia. « Une affaire qui les rappelle, a-t-il prétendu. » « Il n'a pas été dupe de ma comédie, » se dit la jeune fille, « il m'a reconnu, et il coordonnait l'éveil à la duchesse. Mais nulle puissance humaine ne saurait défaire ce que j'ai fait.